إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله تعالى سنتحدث في هذه المحاضرة بموضوع له أهمية موضوع مهم جدا في حياة المسلم وموضوع عام يحتاج إلى وقت لكن بإذن الله تعالى سنحاول أن نختصر ما استطعنا إليه سبيلا إن شاء الله تعالى فالموضوع هو أسباب الانتكاس أسباب الانتكاس ويمكن نقول أسباب الثبات على الصراط المستقيم لماذا؟ لأننا لو تكلمنا في أسباب الانتكاس فسنتكلم بطبيعة الحال إلى أسباب الثبات Donc, ce que je viens de dire en arabe c'est que ce cours va concerner un sujet qui est vaste et qui traite des causes de la régression dans la religion. Et comme on a dit, c'est un sujet qui est très vaste. Donc on va essayer, Inch'Allah ta'ala, de résumer en quelques minutes. On va essayer de résumer, Inch'Allah, ce sujet, de donner les points qui sont essentiels. Les points fondamentaux. Et comme j'ai dit, si on parle des causes de la régression, automatiquement, on va parler également des causes qui vont nous permettre de rester fermes sur cette religion. Car si on parle d'une régression, automatiquement, on va parler de ce qu'il ne faut pas faire. Et si on parle de ce qu'il ne faut pas faire, automatiquement, son opposé va intervenir et on va être obligé de parler dans un même temps de ce qu'il faut faire. C'est pour ça que on parle min asbab al-intikas, mais également min asbab al-thabat, ala sirat al-mustaqim. Idha kulna al-intikas, takallamna an al-intikas, mach ma'na al-intikas? Ma'na al-intikas, wa fil lugha ma'na al-inqilab. Ma'na al-inqilab. Donc c'est le fait qu'une personne va passer d'un état à un autre état. Mais un état qui va être totalement opposé. C'est pour ça que, au niveau de l'istilah, c'est-à-dire au niveau conventionnel, certaines personnes de science ont appelé ou ont donné la définition de l'intikas comme étant la suivante. Wal-inqilab, donc ils ont repris le terme en arabe, wal-inqilab min. C'est tout simplement donc dévier ou alors passer de la voie qui est de la voie de l'iltizam à l'istiqama, donc de la voie droite à celle qui va être munharif fi dalal, celle qui va être de l'égarement. Donc de passer tout simplement de l'istiqama ila al-dalal, de passer donc de la voie droite à l'égarement. A'yadun billah. Si on parle de l'intikas, de la régression, car c'est un sujet, comme on l'a dit, qui est important. Et il faut savoir que lorsqu'on parle de inqilab, on va voir que dans ce terme, il va revenir le terme qalb. Al-qalb que tout le monde connaît, et qui est le cœur. Al-qalb. Pourquoi on l'a appelé comme ceci dans la langue arabe? Pourquoi ce cœur, cette partie mudra min al-jasad, mudratun min al-jasad, pourquoi on l'a appelé de cette manière-là qalb? C'est que ça a une raison. C'est pas pour rien que les Arabes, ils ont appelé cette partie du corps, cette petite partie du corps, qalb. Yannahu yataqallab. C'est-à-dire donc qu'il va passer d'un état à un autre. Le cœur, c'est comme ça, il passe d'un état à un autre. C'est pour ça que on va voir que durant la journée, bel, khilal sa'at, suivant quelques heures, on va voir que qalbuna qad taqallaba. Notre cœur, il s'est transformé. Dans un instant, on est heureux, on est joyeux. On est gai, on est apaisé, et une heure ou deux heures après, notre situation s'est transformée. Qalbuna hazin, c'est-à-dire notre cœur est devenu triste, il est devenu angoissé. Donc on voit bien que sari'u ma yataqallab, il se yataqallab bisur'a, il passe d'un état à un autre de manière très rapide. Si maintenant on sait cela, automatiquement, on va comprendre que le al-qalb wa da'if, c'est-à-dire qu'il est faible. Wa annahu yata'athar bi sur'a, c'est-à-dire donc qu'il va être influencé de manière rapide, rapidement. Donc, si le musulman ya'lam hadha, et il sait, d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que hadha al-qalb, idha fasada, fasada al-jasad kullu. C'est-à-dire que si cette partie, Adil Mudra, cette petite partie du corps, si elle devient mauvaise, alors c'est tout le corps qui va en subir les conséquences. Et au contraire, s'il devient, s'il est bon, c'est un cœur qui est bon, qui est pieux, alors c'est tous les actes et tout le corps donc qui va être l'apparence. Cette apparence que l'on va voir, qu'on va voir dans notre corps, et dans nos gestes, et dans nos actes. Donc on va savoir à partir de là que, al-qalb, que le cœur, il est salih. Donc c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunnah, lorsqu'on regarde la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné beaucoup de directives et d'indications pour pouvoir donc protéger hadha al-qalb. De même, si on reprend beaucoup des versets du Coran, comme on aura l'occasion de le voir, il y a beaucoup de versets qui vont traiter donc de ce sujet, qui vont nous mettre en garde de préserver ce cœur. Ce cœur est fragile. Et taqallab bi sur'a, idhan la budda nuhafidha alayhi. Et tout le monde connaît ce hadith également, qui vient appuyer ce qu'on vient de citer, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, ceci est une invocation. Si on avait à citer donc l'un des premiers, l'une des premières causes qui va faire que l'homme il régresse dans la religion, c'est justement le délaissement des invocations. Lorsqu'il délaisse les invocations. L'invocation, c'est une arme pour le musulman. C'est une forteresse pour le musulman. Et s'il la délaisse, s'il délaisse les invocations, automatiquement, il va donc délaisser une protection qu'il avait mise entre al-waswas, c'est-à-dire donc ce que peut insuffler le shaitan, et toute la maladie qui peuvent s'introduire dans le cœur. Donc, c'est comme une protection, ces invocations. Et c'est pour ça que le musulman, إِذَا أَرَادَ الثَّبَاتَ عَلَى الْإِسْتِقَامَةِ, s'il veut donc rester ferme sur sa religion, et s'il veut s'écarter de tout ce qui pourrait l'amener à dévier, à régresser dans sa religion, فَعَلَيْهِ أَنْ يُكْثِرْ مِنَ الدُّعَى. C'est-à-dire qu'il tout le temps, il multiplie les invocations. Lorsqu'il est chez lui, lorsqu'il voyage, lorsqu'il se rend à la mosquée, toutes les invocations qu'on connaît. Et plus particulièrement cette invocation qui nous a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il disait « Ya muqallib al-qulub »« Ya muqallib al-qulub » c'est-à-dire, celui donc comme on a dit, muqallib, yuqallib, c'est-à-dire donc qu'il fait passer d'un état à un autre ce cœur. Ya muqallib al-qulub. Wallah subhanahu wa ta'ala. Walladhi yuqallib al-qulub. Kayfa yasha. Fayaqul Nabi sallam, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wa fi riwayatin ala ta'atik. C'est-à-dire, préserve et affermis-moi ou affermis mon cœur sur ta voix, à la dinik, sur ta religion, à la ta'atik, sur ton adoration. Et lorsqu'ils ont entendu ça, certains sahaba, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qalu amanna bik wa bima jita bihi, c'est-à-dire qu'on a cru en toi, on a cru en ceux avec lesquels tu es venu, fahal takhaf alayna, est-ce que tu as peur de nous? Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, na'am. Regardez, c'est les sahaba, ils sont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont en train donc de reconnaître leur iman, leur foi en Allah, en son prophète, au Coran, avec tout ce qui est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, lorsqu'ils leur ont demandé, est-ce que tu as peur pour nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, na'am. Yani, akhaf alaykum. Akhaf alaykum. J'ai peur pour vous. Qu'Allah azawajal donc, il fasse dévier votre cœur à cause de ce que vous aurez acquis, de ce que vos mains auront fait. C'est pour ça qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite, innal qulub bayna usbu'ayn min asabi' ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha. C'est-à-dire donc que ce cœur se trouve, ou que les cœurs des croyants se trouvent entre les deux doigts d'Allah Azzawajal, parmi ses doigts, et qu'il donc il fait changer d'un état à un autre comme il veut. C'est-à-dire donc le cœur, il le fait changer d'un état à un autre comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Et donc comment nahnu kayfa? Bien entendu, Allah Azzawajal laissa bidhallam lil abid, c'est-à-dire qu'il n'est pas injuste envers ses créatures. Il ne va pas faire dévier un cœur dont une personne est sincère, dont une personne est accrochée et dont une personne yabdoul el joud, c'est-à-dire la personne qui va faire tous les efforts pour pouvoir rester sur cette voie droite. Ala hadhi l'istiqama. Lorsqu'on a parlé de l'intikas, il faut savoir qu'il y a no'an. Shu'batan min al-intikas. Al-intikas, al-kulli, alladhi al-riddatu an al-islam, ayyadan billah. Wa thani al-dahfu an al-iman. Donc la première, c'est la première branche de Al-Intikas, la branche, ou alors la catégorie, la première catégorie, c'est Al-Intikas Al-Kulli. C'est-à-dire lorsque la personne va régresser de manière complète, on va dire absolument, de la religion, et qu'il va donc sortir de la religion. Wa hadhi ar-ridda. Et personne n'est à l'abri. Peut-être lorsqu'on entend ridda, c'est une chose qui nous paraît loin, mais personne n'est à l'abri. Et c'est pour ça que al-muslim, comme on a dit, yukthir min al-du'a, c'est-à-dire tout le temps il demande à Allah azawajal al-thabat, an yuthabbit qalbahu ala ta'ati, ala al-hidaya. Et parmi les exemples qu'on peut donner du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ce qui est de ridda, on se souvient qissatu Ramla bint Abi Sufyan Umm Habiba. Lorsqu'elle a fait l'exode avec son mari, fil Habasha. Donc elle était partie, elle était parmi les premières croyantes, et son mari également, qui était Abdullah ibn Jahsh. Abdullah ibn Jahsh. Et qui sont donc partis faire la première hijra, qui était il al-Habasha, qui se trouvait donc, la première exode qu'ont fait les musulmans avant de partir à Médine. La première exode, c'était à celle de al-Habasha. Sachant qu'il y a encore une deuxième exode, parce que les musulmans sont revenus à Médine. Mekka, Arfouane et ensuite sont repartis il al-Habasha, et que la troisième ensuite a été al-Médina. La première fois lorsqu'ils sont partis, et que bien entendu tout le monde connaît al-Qissa, c'est-à-dire ce qui s'est passé al-Habasha lorsque le roi les a accueillis et ce qu'il leur a donné donc Amn ou Amana, Abdullah ibn Jahsh, il était nouveau dans l'islam. Il est resté auprès des al-Nasara, qui étaient bien entendu al-Habasha, c'était des chrétiens. C'était donc des gens qui étaient majorité chrétienne. C'était donc le culte qui était voué là-bas, qui était le culte chrétien. Et un jour, Umm Habiba, dans un de ses rêves, elle a vu son mari dans un très mauvais état. Et le lendemain, lorsqu'elle lui a informé de ce rêve-là, ce cauchemar, alors elle a su qu'il était sorti de l'islam. Il avait délaissé la religion de l'islam. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est devenu alcoolique. Il a délaissé donc Al-Hidayah. Il est devenu alcoolique. Donc ensuite, il est mort peu de temps après. Il est mort à l'Al-Kouf. Mata à l'Al-Kouf. Ayadan Billah. Donc, regardez. Même du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cela est arrivé. Et il se peut qu'une personne, Allah Azzawajal, yudillou, bima fi qalbi, par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur, et par rapport à les choses qu'il a faites, et le fait qu'il n'a pas pris l'asbab al-thabat, c'est-à-dire les causes de la droiture dans la religion. Donc personne n'est à l'abri. Et la personne, tout le temps, elle demande, elle s'en remet à Allah Azzawajal, qu'elle le protège. La deuxième catégorie, c'est al-intikas, naqul al-nisbi, ou naqul al-dahf al-iman. C'est tout simplement donc le fait de regresser dans la religion, d'avoir une foi qui va descendre. Bien entendu, on a darajat, c'est-à-dire qu'il y a bien entendu des degrés. Des personnes qui vont descendre très bas dans la foi, ayyadan billah, qui vont délaisser totalement l'iltizam, qui vont peut-être revenir à faire ce qu'ils faisaient avant, comme kabaïr, comme grand péché. Certains qui vont délaisser la prière, etc. Anwa' al-intikasat. Anwa' al-intikasat. Si on a cité donc une première cause, car c'était judicieux de la citer au moment où on a parlé de cette doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une deuxième cause ici qu'on va citer, c'est que la personne, la Bouddha, yastash'ira fi qalbihi hadhi ni'ma, ni'matul iman, ni'matul islam wa ni'matul sunna. C'est-à-dire que la personne, elle doit ressentir dans son cœur, et ça de manière profonde, cette grande ni'ma qu'elle a, qu'elle soit musulmane, et qu'elle a l'islam, cette grande faveur d'Allah Azzawajal qui l'a fait qu'il est croyant, mu'min, et cette grande ni'ma d'Allah Azzawajal qui l'a fait qu'il est à la sunna. In'am. Ni'matan. Il y a la ni'ma de l'islam, mais également la ni'ma de la sunna. Et c'est ce qui était rapporté de l'imam Ahmed, qu'il disait ni'matan, ni'mat al-islam ou ni'mat al-sunna. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui sont musulmans, lakine, les sont à la sunna. Beaucoup de gens qui sont musulmans, qui prient, qui font leur pilier de l'islam, mais qui ne pratiquent pas la sunna comme elle se doit. Qui ne suivent pas la sunna comme il se doit. Qui ont délaissé cette sunna. Donc, on va dire beaucoup de choses. Donc également, ça, c'est une ni'ma, le fait que la personne soit non seulement droit sur l'islam, mais également droit sur cette sunna, sur la pratique des sunan. Faliyastash'ir, la Bouddha. Il faut qu'il ressente la personne au fond de son cœur que ça c'est une grande ni'ma. Toujours il s'en rappelle de cette ni'ma. Que si Allah Azzawajal l'avait pas guidé, il serait comme ces jeunes dans la rue qui sont fait balala, qui sont dans l'égarement, ceux qui adorent un autre qu'Allah Azzawajal, ceux qui vivent plongés dans la drogue, plongés dans l'alcool, etc. Regardez cette ni'ma qu'Allah Azzawajal il vous réunisse dans cette mosquée, qu'il vous écarte de tout ce mal. Hadhi ni'matun 'azima. Donc la personne, il faut qu'elle ressente ça. Il faut qu'elle ressente que ce bien-là, c'est de la part d'Allah Azzawajal. Et yahmidullah ala dhalik. Il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. C'est pas yatajamal. C'est-à-dire qu'il dit, moi, je fais des efforts dans ma religion, alhamdulillah, je fais ci, je fais ça. La, hada min fadlillah Azzawajal alayk. Antakun ala sunnah, antakun ala l'islam, hada min fadlillah Azzawajal mahd. Ensuite, parmi les causes, wa ma'rifatu shar. C'est-à-dire que la personne, elle doit connaître le mal. Elle doit prendre connaissance du mal. Et dans quel but? L'ijtinab. Dans le but de s'écarter de ce mal. Enam. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dévier de la religion et qui vont regresser dans la religion. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent réellement pas le mal. Ils ne connaissent pas le mal qui les entoure. Et le mal qui peut les atteindre. Fawa jahil bihadha ash-shar. Fa idha kana jahil bihadha ash-shar, s'il est donc ignorant de ce mal, alors il est plus apte à y tomber. Ou alors il va être une cible plus facile pour que le shaitan nous fasse tomber dans ce mal-là. Et si on se rappelle le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu ta'ala anhu, hadith qui est une grande leçon pour chaque musulman. Lorsqu'il disait Hudhayfa, hadith qui est rapporté par Abi Idris, an Abi Idris al-Khawlani, annahu sami'a Hudhayfa ibn al-Yaman yaqul, kana an-nas yas'aluna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an al-khair. C'est-à-dire que les gens demandaient au prophète sallam le bien. Il voulait connaître les voies du bien. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي. C'est-à-dire que moi, je demandais au prophète sallallahu alayhi wa sallam le mal. Je lui demandais qu'est-ce qu'est le mal. Et dans quel but? مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي. C'est-à-dire de peur qu'il m'atteigne. Donc ça, c'était min fiqh Hudhayfa, qui faisait partie des grands savants de l'islam, des grands savants du halal et du haram dans l'islam, et qui demandait toujours au prophète sallallahu alayhi wa sallam le mal, pour qu'il puisse s'en écarter. Et malheureusement, beaucoup de gens, c'est une chose qu'ils ne pratiquent pas. Ils ne demandent pas qu'est-ce que le mal. On va voir que le mal, c'est kalimat char, am, yashmal umuran kathira. C'est-à-dire qu'il va comprendre beaucoup de choses. Et comme l'a dit al-Sha'ir, araftu char, la li charrin, walakin, c'est-à-dire, je n'ai pas pris connaissance du mal, pas pour le connaître en lui-même, mais tout simplement pour m'en écarter. Parmi ce qui va rentrer dans les grandes lignes du mal, bien entendu, c'est al-shirk. Al-shirk ou anwa'i. Que la personne, elle prenne connaissance de l'associationnisme, le polythéisme qui fait partie bien entendu des plus grands péchés de l'islam, le péché dont Allah Azzawajal ne pardonne pas. Et toutes ces catégories, al-shirk al-akbar, al-shirk al-asghar, al-shirk al-khafi, et également le wasail allati tuaddi ila al-shirk. Tout ça, la personne, elle doit le connaître. Et c'est pour ça que les grands savants de l'islam, ils ont écrit à ce sujet. Ils ont détaillé à ce sujet. Pourquoi? Pour mettre en garde les musulmans. Pour pas qu'il tombe dedans. Et parmi un des grands livres qui va mettre en garde du polythéisme et qui va nous montrer toutes les voies également qui mènent au polythéisme, non seulement le fait de tomber dans le polythéisme, mais les voies qui vont mener au polythéisme. Et c'est pour ça que fi qawa'id ba'd ahli al-'ilm, c'est-à-dire dans les règles de certains gens de science, ils ont atlaqu an al-wasa'il allati tu'addi ila shirk yadkhul fi shirk al-asghar. Tous les moyens qui amène au shirk, même si en lui-même ce n'est pas un shirk, il va être considéré comme un polythéisme mineur, dont Allah Azzawajal ne pardonnera pas. Donc regardez, jusqu'à certains savants, dans leurs règles, ils ont dit que tout ce qui va amener donc au shirk, c'est considéré comme du shirk. Al-wasa il baisse. Fayur tabar shirk, shirk an asfar. On va les prendre donc comme faisant partie du polythéisme mineur. Et comme on a dit, l'un des grands livres qui a été écrit et que beaucoup de gens ont eu l'opportunité de lire et qui est répandu, c'est le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, Kitab al-Tawhid. C'est un des plus grands livres qui a été écrit dans le Tawhid. Du fait qu'il a rassemblé tout ce qui était ou tout ce qui tournait autour du Tawhid. Qu'il a mis en garde du shirk en lui-même, mais également qu'il a mis en garde al-wasail, c'est-à-dire de tout ce qui va amener au shirk. Donc c'est un livre que le musulman, il doit lire, il doit étudier, il doit en connaître également son contenu, c'est-à-dire le sens de son contenu. Car le shir, lorsqu'on va voir ce qu'il rapporte, il va s'en tenir pratiquement à seulement des versets et des hadiths, et certaines paroles parmi des grands imams, parmi les salafs et ceux qui les ont suivis, uniquement. Adam matn, sarir. C'est-à-dire c'est un livre en réalité, si on regarde réellement son hajj, qui est petit. Du fait qu'il va uniquement, le shir dans ce livre-là, il va uniquement prendre les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à qu'il est connu qu'une des personnes qui était un ennemi de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab à l'époque, qui contredisait la da'wah qu'il faisait, un jour une personne elle est venue lui apporter un livre, ce livre qui était Kitab al-Tawhid. Sans lui dire qui était l'auteur. Et lorsqu'il a lu le livre, et du hasard, ça fait partie des versets du Coran, ça fait partie des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est écrit, également des paroles des grands savants. C'est un livre qui est très bien, c'est un livre qui représente réellement. Et lorsqu'on lui a dit le nom, Taban, Istaraba. Taban, pour ce qui est du shirk, on pourrait parler longtemps. À la Kouli Hal ici, on donne les grandes lignes pour ce qui est de l'intikas. Donc c'est à la personne ensuite de connaître ce mal-là. La deuxième catégorie ou la deuxième ligne, c'est Al-Bida'a. Ou Ahl al-Bida'a. C'est-à-dire donc l'innovation et les gens de l'innovation. C'est-à-dire donc connaître ce qu'est l'innovation. Et connaître également les gens de l'innovation pour pouvoir donc s'en écarter. Pour pouvoir s'en écarter. Les innovations, elles sont apparues après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elles sont apparues du temps des Sahaba, radiallahu ta'ala anhum. Le shaitan a fait que dans cette communauté, il y a des gens qui tombent dans les innovations. Wa sunnatullah ala khalqi. Ala kulli hal al-muslim labudda an ya'lam ma hiya al-bid'a. Al-bid'a bit tafasil, c'est-à-dire qu'elle connaisse toutes les innovations, que ce soit dans la croyance, car il y a des innovations qui sont dans la croyance, c'est ce qu'on appelle al-bid'atu al-qawliya ou al-kalamiya ou al-i'tiqadiya. Tout ça, c'est des innovations qui sont propres à quoi? À la croyance. Il y a également des bid'a ou des innovations qui sont propres à l'adoration. Fayaqulun al-bid'atu al-fi'liya, car elles sont en relation avec l'acte que l'homme il fait durant l'adoration et qui ne fait pas partie de cette religion. Donc également, la personne, elle doit prendre garde à l'innovation. Elle doit apprendre ce qu'est l'innovation pour pouvoir s'en écarter. Qu'elle connaisse également al-madhahib, al-mujuda, c'est-à-dire qu'elle connaisse les grandes écoles de l'innovation qui sont présentes, que ce soit Shia, que ce soit al-Mu'tazila, ou al-Asha'ira, al-Khawarij, ou al-Murji'a, ces sectes-là qui sont apparues, la personne, elle doit en connaître au minimum les grandes lignes de leurs croyances, pour savoir qui ils sont, pour pouvoir s'en écarter, pour pouvoir s'écarter également de leurs croyances. Mais également, tous les groupes qui sont apparus, on va dire les groupes nouveaux, qui sont apparus, fi'asrina, comme par exemple Jama'at al-Tablir, le groupe du Tablir, ou alors Kadalik, Jama'at al-Ikhwan al-Muslimin, le groupe des frères musulmans, toutes ces sectes qui sont apparues et qui ont apporté de nouvelles bid'a, ou alors qu'ils ont ahyu, c'est-à-dire donc qu'ils ont fait revivre des innovations qui étaient à la kulliha l'ancienne. Donc la personne également, elle doit lire les livres sur ce sujet pour qu'ils soient en garde de cela, qu'ils ne tombent pas dans ces groupes, qu'ils sachent qui ils sont réellement. Et beaucoup de livres ont été écrits. À l'exemple de Jama'at Tablir, si on regarde le nombre de livres qui ont été écrits par les savants de Ahli Sunnati wal Jama'a, beaucoup de livres. Que ce soit Al-Qawl al-Balir, Shirat al-Wajri, que ce soit Jama'at Tablir, qui était le premier livre qui avait été écrit par Muhammad Aslam, Rahimahullah, qui a été ensuite assassiné, et qui était un des premiers, qui était un shir pakistanais qui avait étudié en arabie, qui était un des premiers à avoir écrit sur Jama'at Tablir. Et ensuite était venu Cheikh Taqiddin al-Hilali, fils Siraj al-Munir, où il avait parlé également, le grand savant marocain, Cheikh Taqiddin al-Hilali, qui avait parlé sur le Jama'at Tablir, qui avait mis en garde donc de cette Jama'at, qui connaissait réellement leur base. Et ensuite est venu, comme j'avais dit, Al-Qawl al-Mufid, les shir Touedjeri, et encore d'autres savants qui ont écrit sur cette Jama'at. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été laissé au dépourvu, mais les savants en ont écrit, en ont fait les mises en garde. Donc le musulman, il doit être à la bayina. Il doit connaître au minimum ces choses-là. Et s'il ne peut lire les grands livres, alors qu'il se renseigne auprès des frères de confiance, ou alors qu'il lise donc les livres mukhtasar qui ont été écrits à leur sujet. De même pour ce qui est de les nouvelles sectes qui sont apparues. Et comme on a dit, « Ahyu yani bidar » comme « Jama'at al-Takfiriya » la Jama'at du Takfir, c'est-à-dire le groupe du Takfir, qui est connu également, un groupe très dangereux, ou qui va venir avec toutes les ambiguïtés qu'ont apporté les anciens parmi les innovateurs, et qui renouvellent à chaque fois cela, pour donc faire tomber les musulmans et les croyants dans l'innovation et dans un chemin qui mène à la perdition. Iyadan billah. Ensuite, la troisième grande catégorie, ash-shahawat, c'est-à-dire les passions. Ash-shahawat, également, la personne, elle doit en connaître, elle doit s'en écarter, elle doit connaître ce que c'est, ces shahawat qui sont interdits dans l'islam, toutes ces shahawat, et elle doit également s'en écarter. Ça, c'est également ce qui incombe à tout musulman, pour qu'il puisse s'écarter de tomber dans l'inhiraf ou l'intikasat. Connaître ces shahawat, également connaître ici al-wasail, allati tuaddi ila shahawat. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit « Wala taqrabu zina ». Ne vous approchez pas du zina. Il n'a pas dit Allah Azza wa Jalla dans ce verset « Ne faites pas la turpitude ». Mais il a dit « Ne vous approchez pas de la turpitude ». Ce qui veut dire ici qu'on doit s'écarter de tous les moyens qui vont nous amener à tomber dans la turpitude. Iyadan billah. Que ce soit al-kabair, les grands péchés, que ce soit également al-sara'ir, la personne, elle s'en écarte. Et ici, l'il-faïda, un des versets du Coran qui est venu à ce sujet, pour mettre en garde de ceux qui tombent dans les grands péchés. Wallah Azza wa Jal yaqul alladhina yajtanibuna kaba'ir al-ithm wal-fawahish illa al-lamam. Illa al-lamam. Donc ceux qui vont s'écarter des grands péchés. Kaba'ir al-ithm wal-fawahish et des turpitudes. Illa al-lamam. Qu'est-ce que veut dire ici le terme al-lamam? Ce terme a été expliqué par As-Sahaba. Et Ibn Mas'ud, il disait cette parole, كان يقول ما رأيت أشبه باللمم ما قال أبو هريرة. C'est-à-dire, je n'ai pas vu quelque chose de plus précis de ce qui a été cité par Abu Huraira au niveau de Al-Ta'rif, c'est-à-dire باللمم. Et il disait à Abu Huraira au sujet donc de ce terme-là, إن العين تزني وزناها النظر. C'est-à-dire que l'œil, il fait le zina. Et son zina, lui, c'est le fait de regarder. وَإِنَّ الْيَدْ تَزْنِي وَزِنَاهَا الْبَرْشِ. C'est-à-dire également, la main, elle fait son zina. Et le zina, c'est le fait de prendre. Et également, الْرِجْلَ تَزْنِي وَزِنَاهَا الْمَشِي. Également, le pied, il fait le zina lorsqu'il va donc marcher. C'est-à-dire qu'il va se rendre vers les endroits qui vont le faire tomber dans le zina, dans la turpitude. عِيَادٌ بِاللَّهِ. C'est pour ça que le terme al-lamam, au niveau de l'aura, c'est al-muqaraba. Al-muqaraba, le fait donc de se rapprocher de quelque chose. Ici donc, al-muqaraba minesh, min al-fahisha. Et c'est pour ça qu'il disait Ibn al-Qayyim, regardez ce que cette parole qu'il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Il disait, ajma al-arifin billah, bi anna dhunub al-khalawat, c'est-à-dire ceux qui ont la connaissance. Ce dont Allah Azza wa Jalla les a éclairés par cette science, également par cette lumière de la foi, il disait que dhunub al-khalawat, les péchés qui sont faits lorsqu'on est seul, lorsqu'on est. Il disait min asl al-intikasat. Ça fait partie des bases, ou de la base même, ou de l'origine de cette régression dans la religion. Min al-intikasat. Wa anna ibadat al-khafa. Et que bien au contraire, l'adoration, lorsque personne ne voit, c'est-à-dire que l'adoration que l'on fait secrètement, c'est l'un des meilleurs moyens pour rester ferme sur la voie. Ça c'est la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et également ici, pour ce qui est de cette régression, et qui est de cette cause qui a touché beaucoup de musulmans, shahawat, wa fitnatun nisa, c'est-à-dire donc la fitna des femmes. Et c'est pour ça que le prophète sallam, il a dit, ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijal min al-nisa, c'est-à-dire je n'ai pas laissé une fitna plus grande après moi comme celle des femmes, c'est-à-dire que c'est la plus grande fitna. La plus grande fitna. Et beaucoup de jeunes, malheureusement, ils vont tomber في الانتكاس dans la regression à cause des femmes. Et bien entendu ici, la cause principale qui va faire, ou leur moyen principal qui va faire qu'on va contrer cela, c'est par le mariage. Az-zawaj, la bout. Et encore plus dans un pays comme celui-là. C'est-à-dire que l'homme, il doit se marier. Il n'a pas le choix. Dès qu'il arrive donc à un stade, ou dès qu'il est en âge donc de shahawat et de comprendre, le mieux pour lui c'est qu'il se marie le plus bonheur. Car ce danger, il va rester toujours. C'est-à-dire, khatar shahawat al-nisa. Il va tout le temps rester. Il va être présent. Combien de jeunes ils sont tombés à cause de ça? Peut-être une personne qui avait une bonne niya dans sa religion, qui voulait faire des efforts. Et le fait qu'il n'a pas patienté, et le fait qu'il ne s'est pas marié, alors, ta'arraba ala al-fitan wa waqa'a fiha, ayyadan billah. Donc ça également, c'est une cause, une grande cause, qui a fait que les gens sont tombés, que les jeunes sont tombés dans la régression. Et regardez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, min hadith Thawban, pour nous montrer donc ici la gravité de ce qui peut amener à al-fahisha et les turpitudes. Regardez ce hadith. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la a'lamanna aqwaman min ummati yatuna yawm al-qiyamah bihasanatin. C'est-à-dire que le prophète Sam est en train de nous dire que je connais des gens qui vont venir de ma communauté, qui vont venir le jour du jugement, ils ont des hasanats. Vous savez comment elles sont ces hasanats? Comme la montagne de Timama, c'est-à-dire une grande montagne qui est blanche. Regardez en plus, elle est blanche. Elle est des hasanats safi. Des hasanats qui sont comme la montagne. Des gens qui vont venir le jour du jugement. فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. Allah عز وجل il va les transformer ces hasanat comme هباء منثورا. Vous savez donc le هباء, c'est comme les poussières qu'on voit à la lumière, au rayon du soleil, la même chose. Regardez comment il va les transformer de la même manière, cette poussière qu'on voit lorsqu'un rayon du soleil traverse, qu'on s'aperçoit donc de cette poussière qui se volatilise dans les airs, Allah Azza wa Jal, ces montagnes-là, il va les transformer de la même manière. Faqala Thawban, Ya Rasulullah, Sifhum Lana. Il va demander ici au prophète Sallam qui ils sont, pour pas qu'on tombe, qu'on fasse partie de ces gens-là, Ayyadan Billah. Donc il va demander à propos de ce char, de ce mal. Qala Amma Innahum Ikhwanukum Min Jildatikum. C'est-à-dire, ce sont vos frères de. Min jildatikum, mimarna min jinsikum, sont des frères donc comme vous, de votre. Min jinsikum, de votre race, naam. Wa ya'khuduna min al-layl kama ta'khuduna min al-layl. C'est-à-dire, ici, ils prennent de la nuit, bimarna, ils font des adorations même durant la nuit, regardez. C'est des gens qui font des adorations même durant la nuit. Comme vous en faites. Hada wa ma'na. Ya'khuduna min al-layl kama ta'khuduna min al-layl. Wa idha khalaw bi maharim Allah intahakuha. C'est-à-dire lorsqu'ils vont se retrouver seuls devant les interdictions d'Allah Azzawajal, alors ils vont les transgresser. Ils vont transgresser ces interdictions, ils vont tomber donc dans ces interdictions. Regardez ce hadith. Comment il peut faire réfléchir le musulman? Et comment on va s'apercevoir que cela va être une cause de nadama et de khasara yawm al-qiyama. Et ça, c'était uniquement pour des gens qui en réalité, ont fait quand même des adorations, qui sont venus avec des montagnes d'adoration. Alors que dire pour les autres? Parmi les causes, mufaraqatul jama'a wa adam al-ikhtilat bis-salihin, c'est lorsque la personne, elle délaisse al-jama'a, elle délaisse donc le groupe des frères, qu'elle délaisse le groupe des frères, qu'elle s'isole des groupes des frères qui sont pieux, qui sont connus pour leur religion, qui sont connus pour leur droiture. Adi Moussiba également, ça fait partie des grandes causes de l'intikasat. Malgré tout ce que le shaitan il va t'enjoliver, ce qui va te rendre joli comme cause. Il va te dire, ces gens, c'est pas la peine de rester avec eux. Ou alors, ces gens, ils vont te faire du mal. Ou alors, ces gens, il n'y a aucune faïda, il n'y a pas d'intérêt de rester avec eux, etc. Tout ce qu'il pourra t'apporter, tout ce qu'il pourra te dire, est insuffler le shaitan, sache que c'est l'une des grandes voies qui va t'amener à l'intikasat. Qu'à la personne, lorsqu'elle va se séparer de ses frères, qu'il le rappelle billah, yadhkuruna billah, qu'il voit en eux donc un rappel d'Allah dans leur adoration, dans leur comportement, et dans le fait qu'ils sont attachés à la sunna, le fait qu'il va les délaisser, qu'il va s'écarter, de deux choses, il va arriver une de deux choses. La première, c'est soit qu'il va, et non l'insan, la buddha min al-uns, il est obligé d'avoir de la compagnie, la personne. Les majeurs, la majeure partie des gens, ils ont besoin d'une compagnie. Donc il va aller vers des gens qui, eux, ne sont pas multazim. Et le fait qu'il va aller vers des gens qui ne sont pas multazim, ou qui ne sont pas dans leur religion, eux, ils vont être la cause de son égarement. Car il va être automatiquement influencé. Ou alors, la deuxième chose, c'est qu'il reste tout seul. Il va rester seul. Et la personne qui reste seule, c'est la personne, donc, qui va être proie au shaitan. Innama ya'kul adh-dhib al-qasiya. C'est-à-dire que le loup, il va manger la brebis égarée. Et regardez ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un hadith qui est azim jiddan. C'est un grand hadith qui va nous prouver quel est le danger du fait de s'écarter de ses frères. Et le fait de ne pas rester donc avec al-jama'a. Jama'at al-salihin. Ce hadith qui est le suivant, qui est rapporté par Abu Daoud al-Bayhaqi. في سنن الكبرى وإسناده جيد كما قال الألباني وغيره كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعب والأودية c'est-à-dire il y avait des gens qui étaient avec le prophète Islam, les compagnons du prophète Islam, et lorsqu'ils étaient en voyage et lorsque le prophète Islam voulait se reposer كان يريد الاستراحة الراحة من السفر alors il campait à un endroit. Et certaines personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait parmi les Sahaba? Ils se sont un peu éloignés. Certains se sont placés dans certaines plaines, des petites plaines qui se trouvaient, d'autres fi shi'ab, c'est-à-dire des chemins, etc. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a su cela, regardez, hein, c'est simplement, on va dire, un acte qui pourrait nous paraître à nous simple, ou alors sans grande importance. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Faqala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, inna tafarruqakum fi hadhi shi'ab al-awdiya. Il a dit le fait que vous vous êtes séparés de vos frères et que vous avez été donc vous installer et camper à ces endroits-là qui sont un peu éloignés, ça fait partie du diable, c'est-à-dire des actes du diable et ce que vous a insufflé en réalité le diable. Regardez, sur c'est un acte qui pourrait nous paraître, comme j'ai dit, sans grande importance, mais dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis l'accent dessus et nous a prouvé que cela الآيات كثيرة في مسألة الاعتصام الاجتماع يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا c'est-à-dire rattachez-vous بحبل الله donc الحبل on peut traduire par le câble ou etc. et dans les savants on dit c'est le Coran, c'est din, din Allah, le Coran, etc. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا et ne vous divisez pas. Et les versets dans ce sens beaucoup, et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce sens beaucoup, qui vont mettre en garde donc de tafarruq. Donc la personne, elle reste avec le jama'a. Bien entendu, lorsqu'on dit le jama'a, ce n'est pas n'importe quel jama'a. Elle ne va pas aller avec les gens de l'innovation. Même si des gens qui ont en apparence à l'iltizam, mais qui en réalité sont des gens qui sont tombés dans l'innovation et qui appellent à l'innovation. Non, la personne, elle reste avec jama'atu ahli sunnati wal jama'a, les gens donc de la sunna et du consensus. Les gens avec qui elle a confiance par rapport à leur croyance, avec qui elle a confiance par rapport à leur minhaj, par rapport également à leur comportement, etc. Et Allah Azzawajal également, il dit dans un des versets du Coran, qui est un verset important sur ce sujet-là, il dit « Wasbir ma'a alladhina yad'ouna rabbahum bil-ghadati wal-ashi yuriduna wajha wa la ta'adu aynaka anhum turidu zinat al-hayati al-dunya » C'est-à-dire donc, fais preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le brillant de la vie d'ici-bas. Yani, zinat al-hayati al-dunya, tout ce qui est beau, tout ce qui brille dans cette vie d'ici-bas. Donc regardez, et ça, Minasba ben Nuzul, car parmi Quraysh, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Mecca, il y avait parmi les gens de Quraysh qui se moquaient des croyants, car parmi les croyants, il y avait beaucoup de gens qui étaient pauvres, qui étaient misérables. Et les grands de Quraysh, Ashab al-Mal, c'est-à-dire les notaires de Quraysh, ils se moquaient de cette compagnie qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ces gens qui étaient en réalité misérables. Et donc Allah Azza wa Jalla, il a fait descendre ce verset. Malgré donc la situation de ces gens, il a dit donc de rester avec eux. Allah Azza wa Jalla a ordonné au prophète sallam de rester avec eux. Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Donc ici Allah Azza wa Jalla a insisté sur le fait que le prophète sallam doit rester avec eux malgré donc leur situation. Alors que dire de ceux, ou alors de notre époque, où la personne elle va vivre dans une société qui n'est même pas une société musulmane, le cas de la France, et qui donc, si elle ne s'attache pas avec les musulmans, si elle ne s'attache pas avec les pieux parmi eux et les bien guidés, alors avec qui elle va s'attacher? Également, une des causes, min asbab al-intikasat, al-ghulu wa tashaddud fi din, al-ghulu wa tashaddud fi din, c'est-à-dire l'exagération dans la religion. Là, yatamassak bil-i'tidal wal-wasatiyya fi din, c'est-à-dire que cette personne-là elle ne va pas rester sur le chemin de l'irtidal, c'est-à-dire le chemin de la religion qui est droite, et cette religion en réalité qui est la religion du juste milieu. Du juste milieu. Al-irtidal wal-wasatiyya. Beaucoup de jeunes, lorsqu'ils rentrent dans la religion, ils veulent aller très vite. Et lorsqu'ils vont apprendre certaines règles au niveau du din, ils vont vouloir que ces règles-là soient appliquées par tout le monde. Ils ne vont pas accepter qu'autrui la transgresse. En réalité, ils vont ouvrir leurs yeux donc dans un monde qui est loin d'être vertueux, bien au contraire. Et ça, ça va provoquer chez la personne, chez le jeune, un sodma. C'est-à-dire donc qu'il va voir dans le monde dans lequel il vit, il va s'apercevoir de la réalité de la société. Après qu'Allah Azza wa Jalla l'a guidé, qui lui a fait prendre connaissance donc de ce qu'est As-Sirat al-Mustaqim, alors à ce moment-là, il va devenir chez la personne al-tashaddud wal-ghulu. Et ça également, ça fait partie des causes qui ont fait que beaucoup de jeunes, ils ont délaissé l'iltizam. Ils ont fait preuve de régression dans leur religion. At-tashaddud wa al-ghulu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde de cela. C'est une chose dont le prophète sallam nous a mis en garde de cela. Dans beaucoup de hadiths, on se rappelle ce hadith où lorsque les sahaba avaient pris ramyé al-jamarat durant donc le pèlerinage, donnant les rites du pèlerinage, ils avaient pris des pierres pour jeter fil jamarat, donc les stations. Ils avaient pris des grosses pierres. Lorsque le prophète sallam il a vu ça, il a dit « Yakum wal-ghulu », c'est-à-dire « Prenez garde de l'exagération dans la religion ». Innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu, c'est-à-dire ceux qui ont été perdus parmi les communautés précédentes, c'était à cause donc de al-ghulu, de l'exagération. Également le prophète sallam قال halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, et qu'il a dit trois fois le prophète sallam. Al-mutanatti'un, ce sont ceux qui font preuve de tashaddud, qui font preuve donc d'exagération dans la religion. L'exagération à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'adoration, comme ces gens qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces trois personnes, qu'un d'eux, il a dit « Ama ana la anam al-layl », c'est-à-dire qu'il prie toute la nuit, l'autre qui a dit « Ana la uftir dahran », et l'autre qui a dit « Ana la atazawaj ». Donc celui qui a dit qu'il prie toute la nuit sans prendre de repos, donc sans dormir, celui qui faisait le jeûne de manière continuelle sans s'arrêter, et ensuite celui qui ne se marie pas avec les femmes pour se consacrer à l'adoration totalement, etc. Le prophète sallam, il est sorti. Il a réfuté cela. Et il a dit, « Man rariba an sunnati falaysa minni », celui donc qui va délaisser ma sunna, qui va s'écarter de ma sunna, alors, « Laysa minni », ne fait pas partie de moi. Également dans ce hadith, où le prophète sallam nous enseigne également ici des règles et des bases pour ce qui est de la question du tashaddud. Yaqul, « Inna hadha ad-din » Donc c'est un hadith qui est rapporté par l'imam البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن هذا الدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر c'est-à-dire que cette religion elle est facilitée cette religion elle est facilitée ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui va faire preuve d'exagération dans la religion sans que cette religion même prenne le dessus sur lui et qu'elle en vienne à bout et ça c'est ce qui arrive chez beaucoup de gens La yaltazimun bil irtidal wal wasitiyya. Ils tombent dans le relou, que ce soit dans l'adoration, ils veulent faire les choses vite, ils veulent arriver à un niveau de manière rapide, et en réalité, il arrive à la fin que ce qui se passe, c'est le contraire, l'opposé. L'aqs tamamen. Et ensuite, le prophète dit Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wa yassiru wa sta'inu bil ghadawati wa rawha wa shay'in mina. Ad-dulja. Quelle est la signification de ces termes? Fasaddidu, fasaddidu bimana ilzamu sadad, wa sadad wa sawab. C'est-à-dire fasaddidu, c'est-à-dire soyez droit sur la vérité. Pourquoi? Parce que as-sadad, ça veut dire as-sawab. C'est-à-dire faites les choses de manière parfaite et les choses qui sont sûres, les choses qui sont sur la vérité, c'est-à-dire qui sont en conformité totale avec la religion. وَقَارِبُ C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas faire cela, arriver à cette perfection, alors قَارِبُ C'est-à-dire, essayez de vous en rapprocher. وَأَبْشِرُ بِالثَّوَابَ عَلَى الْعَمَلِ C'est-à-dire, donc, faites la bonne annonce. Que la bonne annonce soit faite. Par rapport à quoi? Par rapport, donc, à l'ajr que vous aurez. Par rapport à la récompense que vous aurez. Même ceux, donc, qui n'ont pas atteint la perfection. أَلَدِمَا وَسَلُوا إِلَى السَّدَدِ لَكِنْ قَارِبُ وَأَبْشِرُوا بِالثَّوَابِ Et le prophète sur Salam ensuite de nous donner ce qui va nous permettre de continuer sur notre voie et donc de rester sur l'irtidal ou al-wasitiyya. Il a dit ensuite le prophète sur Salam وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدَى وَالْرَوْحَ C'est-à-dire donc aidez-vous des adorations que l'on fait au début de la journée et à la fin de la journée. Et également ce que l'on fait enfin à la fin de la nuit. Dulja, certains ont dit « akhir al-layl », c'est-à-dire prenez un peu de temps de la dernière partie de votre nuit pour adorer Allah Azzawajal. Et certains ont dit « fil awqat al-munashita », c'est-à-dire donc durant les temps où la personne elle sent que son corps il est nashit, c'est-à-dire que son corps il est apte à ce moment. Également, pour ce qui est tout le temps de cette question-là, on se rappelle cette parole du prophète sallam, Ahabul A'mal ilallah adwamu. C'est-à-dire les paroles, les actes qui sont les plus aimés auprès d'Allah Azzawajal, ce sont les actes qui sont les plus constants. C'est-à-dire la personne elle fait preuve de constance. Wa in qalla. C'est-à-dire, et même si elles sont peu. Donc également, ne pas aller trop vite dans ce qui est de la religion, pour ce qui est donc des actes. Tout le monde va aller donc à son rythme. Mais le principal, c'est que la personne, suivant son niveau, elle va rester avec constance. Avec constance. Yani yudawim ala ma yaqumu bihi min al-ibada. Yudawim al-mudawama. Parmi les causes, adam al-amal bima yu'adhu bih. C'est-à-dire, parmi les causes également qui font que la personne yantakis, c'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte ce qu'on va lui faire comme exhortation au niveau de la religion. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla yaqul fi kitabi wa law annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadd tathbita. C'est-à-dire si ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, alors cela aurait été pour eux meilleur. Ils auraient été affermis au niveau de leur foi. Et ça aurait été meilleur pour eux. Donc on voit ici qu'Allah Azza wa Jal yuhadhir, c'est-à-dire il met en garde de ceux qui ne prennent pas en compte les exhortations qu'on leur fait. Un frère fait une exhortation, il va parler d'un point qui est important dans la religion, de ne pas y tomber, etc. La personne, elle ressort de la mosquée, c'est comme si elle n'avait rien entendu. Comme on dit, c'est rentré par là, c'est sorti de l'autre côté. Ayyadan billah. Ça également, Adam Inasbab al-Intikasat. Également une question qui est importante pour beaucoup de gens, et plus précisément les jeunes, min asbab al-intikasat at-ta'alluq bil-madi. que la personne elle se raccroche à son passé. Beaucoup de gens, lorsqu'ils rentrent dans l'iltizam, donc ils rentrent dans cette iltizam, donc ils s'accrochent à leur religion, mais ils restent dans leur cœur ce passé. Et ils y sont encore accrochés à ce passé. Yata'allaqoun bil maadi. Ça également, ça fait partie d'un min asbab al-intikasat. Ils se rappellent les péchés passés. C'est-à-dire lorsqu'il s'en rappelle, il y prend plaisir à se rappeler de ses péchés, de ce passé, rien billah. Également lorsqu'il va voir des photos, ou lorsqu'il va voir ce qu'ils appellent des films souvenirs, etc. Toutes ces choses-là, l'homme il doit s'en écarter, en réalité. Il doit faire une coupure avec son passé. Il faut qu'il sache faire une coupure avec son passé. C'est celui qui veut réellement préserver son iltizam et qui est rentré dans la religion, il doit faire une coupure avec son passé. Et regardez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va nous donner un grand enseignement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous parler d'un homme qui était Fibani Israël. Cet homme-là, il avait tué 99 personnes. Kana Fibani Israël Rajul. Qatala tis'atan wa tis'in insanan. Il a tué 99 personnes. Regardez donc ici le degré du péché. Wallah al-musta'an, le degré du péché. Fakharaja yas'al. Donc il est sorti pour demander. Il veut faire la tauba. Cette personne, elle veut faire la tauba. Elle veut revenir sur la religion. Elle veut faire tauba de tous ces actes qu'elle a fait. Elle est partie, elle était voir rahiban. Elle était voir une personne qui était un adorateur. Une personne qui se consacre à l'adoration. Et lorsqu'elle lui a demandé s'il y avait une tauba pour son péché, il lui a dit là. Il lui a dit non. Alors il l'a tué. Et ça fait 100 personnes. Regardez ici une parenthèse que l'on fait. Lorsqu'on demande une question à une personne, il faut qu'on ait une confiance en elle. C'est-à-dire qu'on ne demande pas n'importe qui. Et ça ne veut pas dire que la personne, si on la voit en apparence multazim, une personne qui fait des prières, etc., qui est toujours à la mosquée, etc., ça ne veut pas dire qu'elle a une science. Ça ne veut pas dire qu'elle est apte à répondre à toutes les questions. Donc ça, il faut y prendre garde. La personne, lorsqu'elle demande, elle demande à une personne de science en qui elle a confiance et une personne sûre. Regardez ce qui est arrivé pour cette personne-là. Elle était voir le premier venu, simplement dans son apparence, parce que c'est une personne qui était multazim, une personne qui fait preuve d'adoration, qui est connue pour cela. Elle l'a vu, elle lui a demandé. Elle a jugé l'apparence et tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a dit non, t'as pas de tauba. Il n'y a pas de tauba. Okmil. Yani, je finis le. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué. Malgré cela, il a continué. Il a été voir une personne, lui qui était un alim, lui qui était une personne de science. Et il lui a dit donc qu'il y avait une tauba. Et il lui a donc enseigné d'aller voir vers une autre qaria, c'est-à-dire d'aller voir vers une autre ville. Donc, de quitter la ville là où il était. Arshadalu an yatruk. C'est-à-dire qu'il lui a dit d'aller donc vers une contrée qui n'était plus la sienne. Et ici, qu'est-ce qu'ils en ont déduit les savants? Ils ont dit donc que la personne, à ce moment-là, lorsqu'elle est restée dans un endroit où elle a vécu depuis son enfance, où elle a fait les péchés, où elle n'était pas dans l'iltizam, alors pour lui, s'il veut vraiment concrétiser son iltizam, il doit quitter cette ville. Au minimum, quitter cette ville, aller dans une autre ville. Mais entendu ici, pour ce qui est de la France, le mieux encore, et c'est même ce qui est obligatoire, c'est qu'il quitte la France et qu'il rentre dans un pays musulman. Ala kulli hal masalat al-ijra ya masalat ukhra tadkhul fi hadha al-mawdu', na'am, bas kabira. Ala kulli hal, ici la personne elle doit quitter l'endroit où elle était, où tout était raccroché à son passé. Il y a des gens qui sont accrochés à lui. Elle va voir des gens, ces gens avec qui elle faisait les péchés, qui vont peut-être lui rappeler les péchés, les endroits où elle était, où elle faisait les péchés, etc. Elle va s'en rappeler, etc. Donc c'est toujours là où elle vit, c'est toujours un rappel. Shaitan il fait sur lui un rappel. Et ça c'est pas bon. C'est une asbab al-intikasat. Bien entendu la suite, c'est que lorsque lui il est parti, donc il a écouté la parole de cette personne sage et savante, elle est partie donc pour aller vers cette qaria, il est mort en fit tariq. Ensuite sont venus les anges du adab et les anges de ar-rahma, de la miséricorde. Et ensuite Allah azzawajal awha ilayhim de prendre la distance, de voir vers où il était le plus près. De l'ancienne ville, là où il avait ses péchés, ou alors de la nouvelle ville. Ensuite, Allah azzawajal ghaffara lahu, parce qu'il était plus proche de Hadil Qarya, de cette ville où il devait se rendre. Et c'est une question, entre parenthèses, mais si je la donne parce qu'elle était importante à ce moment-là. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous rappeler donc un hukm, en réalité, à travers cette histoire. Et qui est que la personne, même si elle tue, il y aura toujours une tawbah. Même si la personne l'a tué, il lui reste toujours donc la tawbah. Qu'Allah Azzawajal, il peut lui pardonner. Donc le fait d'avoir tué une personne, ça reste toujours dans les péchés dont Allah Azzawajal peut le pardonner et dont il y a une tawbah. Et c'est pour ça que les savants, tous les savants parmi les salafs, ils ont rappelé que Al-Qatla ou tawbah. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas éternellement dans le feu. Et donc, ce qui pouvait poser ambiguïté, c'est ce verset du Coran. C'est-à-dire, celui qui tue un croyant délibérément, alors il rentre dans le feu. Alors sa récompense ou son châtiment, c'est le feu. Fajazahum, sa rétribution, c'est le feu. Et il y restera éternellement. Khalidan fiha, c'est y rester éternellement. Donc ça peut poser un problème, ce verset, pour la compréhension. Yani, comment on va comprendre cela? Et alors que tous les savants de l'islam parmi les salafs, en prenant en compte ce hadith et encore d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont voir donc que celui qui tue, il a une tawbah. Et que même s'il ne fait pas sa tawbah et qu'il rentre finnar, un jour ou l'autre, tant qu'il n'a pas fait de shirk, un jour ou l'autre, donc, il sortira du feu. Donc, regardez, il se peut qu'un verset nous montre un takfir qui est absolu. Mais en réalité, lorsqu'on va regarder au niveau des autres textes de la sunna et des autres textes également coraniques, on va s'apercevoir que ce n'est pas un takfir qui est absolu. Donc ça c'est un exemple que l'on donne et dont il faut prendre en compte. Car beaucoup de gens, ils vont venir avec des versets du Coran, ils vont en donner donc, ils vont les mettre dans un contexte où ils vont en faire sortir des lois qui sont, on va dire, mutlaq, qui sont absolues, alors que ce n'est pas le cas. Et que si on regarde comme ont fait les savants de la sunna du consensus, si on regarde dans les autres textes du Coran et de la sunna, on va s'apercevoir tout simplement qu'il y a bel et bien une explication où annana najma' bayna al-nusus, c'est-à-dire qu'on va réunir les nusus et qu'on en tire ensuite un hukm. Et qu'on prend en compte également parmi les versets ceux qui sont considérés comme muhkam, al-mutashabihat, etc. Donc tout ça c'est des lois. Et que c'est pas n'importe qui va parler sur ce sujet. Et ça j'espère que c'est bien compris chez beaucoup de frères. Car beaucoup de gens ils tombent dans des interprétations et ils tombent dans des chouboites, dans des ambiguïtés qui n'ont en réalité de science, où ils s'y perdent. Et ça fait partie également d'une asbab al-intikasat, c'est qu'une personne, elle va essayer de comprendre et de chercher des choses qui ne sont pas à son niveau, et de rentrer donc dans des points de la religion qui ne sont pas de son niveau. Et beaucoup de jeunes tombent dans ça, malheureusement. Et ils rentrent dans les interprétations, et il rentre dans le ta'wil al-Qur'an ou ta'wil al-Hadith bidoun ilm, bila ilm, sans même science. Comment le dors ça là ça là ça ça nous ça le maghrib inchallah. طيب à la Kulli Hal, il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire, simplement pour ce, toujours sur ce sujet-là, il faut aussi que la personne elle se raccroche aux savants de la Sunna et du consensus. Si elle ne veut pas tomber donc, fiadil intikasat, faire preuve de régression dans sa religion, car on a dit la régression, ce n'est pas seulement yani, avoir un da'f, filil tizam, mais il se peut également que la personne, même si en apparence elle va rester multazim, même si elle veut essayer de s'accrocher à la voie droite, qu'elle va dévier vers ce qu'on appelle donc les innovations dans la croyance, les innovations également dans les actes. Donc tout ça rentre également dans la régression. La régression, ce n'est pas l'image qu'on en a qu'une personne qui serait multazim et tout, et puis qu'ensuite elle devient faible, qu'elle devient donc elle tombe dans, uniquement dans les shahawat, ou alors ces choses-là, tout ce qui rentre dedans, c'est ce qu'on a cité auparavant, min al-shirk, min al-bida', wa min al-shahawat, hada shamil lil jami'. Taïb, on pourrait encore citer beaucoup de choses, simplement on va citer al-wajh al-ikhtisar, également parmi l'asbab al-intikasat, tawassur fil mubahat. Al-mubahat, c'est-à-dire ce qui est permis, mais la personne, il y a tawassur fi kathiran. C'est-à-dire tout ce qui est mubah, tout ce qui est permis, la personne, elle l'applique, ou elle le fait, ou alors elle ne s'en écarte pas. Également, une des causes qui fait que certains, ça c'est souvent chez les jeunes, min asbab al-intikasat, c'est qu'ils ont une mauvaise compréhension, les jeunes. Les jeunes, lorsqu'ils vont voir des frères qui sont depuis longtemps donc dans la religion, et qu'eux ils sont nouveaux, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme image et comme compréhension? Ils vont croire en fait que ces gens-là, ou que ces frères-là, c'est des frères qui sont machallah parfaits. Des frères qui sont dans la religion, ils vont les prendre comme des modèles. Et également, ça c'est un problème. C'est-à-dire qu'il yumkin yahsul an yghalat min al-ah. Il se peut que ce frère, en réalité, il advienne une erreur de lui, ou alors qu'il fasse un péché. Et lorsque le jeune il voit ça, de ce frère-là, avec qui donc il va fréquenter, qui va le croire, un frère qui est mashallah, etc., il va s'apercevoir que ce n'est pas une personne qui était au niveau qu'il croyait. Et à partir de là, il reçoit le soudement. C'est-à-dire pour lui, khalas, il dit comment un frère comme ça, un frère mashallah, multazim, belah, etc., il a pu faire une chose telle. Wada yaj'al yani yantakis. Yaj'al yataraja'. Yataraja' ila khalf. Wadi musiba. Car il faut savoir que les règles qu'on applique dans l'islam, on les applique à tout le monde. C'est-à-dire que tu ne connaîtras réellement une personne que si, comme l'avait rappelé Omar, que si tu as voyagé avec lui, que si tu as mangé avec lui, que si tu as fait une tijara avec lui. Qu'est-ce qu'il a une lahia ou pas une lahia? Il se peut que cette personne-là, même si elle est en apparence multazim, si tu n'as pas fait ces choses-là, il se peut que tu t'attends à des choses de cette personne qui ne vont pas te satisfaire, etc. Donc également, ça, c'est un point, tu dois réellement être conscient de ce problème-là. C'est-à-dire que lorsqu'il va entrer avec une jamara, et des frères, etc., il peut s'attendre à des erreurs de leur part, que ce ne sont pas des anges. Également, el-farah, c'est-à-dire donc le temps libre, et le temps où dont la personne ne fait rien. Ça également, min asbab al-intikasat. Car lorsque la personne, elle a du temps libre, et qu'elle ne fait rien du tout, qu'elle ne s'occupe pas, à partir de là, d'apprendre sa religion, d'essayer de suivre les cours de religion, de rester avec ses frères, etc., elle reste tout le temps, elle a beaucoup de temps libre. Si elle ne s'occupe pas durant ce temps libre à faire des choses qui vont être pour lui profitables au niveau de son dîn, ou alors au minimum au niveau de sa dunya, alors également ça peut être pour lui une asbab al-intikasat. Ça peut être donc pour lui une cause qui va faire preuve de régression dans la religion. Également, khubz as-sarira wa adam al-ikhlas. C'est-à-dire qu'il se peut que certains frères, ils ont dans leur cœur, et chacun de nous, automatiquement, il a un défaut. Il a des défauts. Chez certains frères, donc, il va avoir un défaut qui est bien particulier. Par exemple, une personne qui il aime avoir le pouvoir. Il aime être au-dessus des autres. Ou alors une personne qui s'émerveille de lui-même, ou alors qu'il sent de lui-même qu'il est une personne qui a un haut niveau, etc. Toutes ces choses-là qu'on trouve dans notre cœur, ce qu'on appelle khubth, as-sarira, la buddhan yujahida. C'est pour ça que la personne, elle doit automatiquement faire un effort sur lui-même. Si elle sait qu'elle a un défaut, elle le sait, chacun sait qu'il a un défaut particulier. Que ce soit par exemple également le bourg, ou alors beaucoup de choses. Si elle sait qu'elle a ce défaut, elle doit faire un djihad sur ce défaut-là. Il faut qu'elle l'enlève. Et si elle se laisse comme elle est, si elle ne fait pas d'effort sur ce défaut, pour donc le dissiper, automatiquement avec le temps, ça peut être donc une asbab al-intikasat. C'est-à-dire que ce défaut-là, il va ressortir avec force parce qu'il n'a jamais été combattu. Et ensuite, la personne, elle va régresser dans sa religion à cause de ça. À la kulli hal, il y a encore d'autres points qu'on aurait pu citer. À la kulli hal, fanaktafi bi adal qadr, wa fi kifaya inshallah ta'ala, subhanaka allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Cheikh Abdelmalek, Zahmullah, Khair, Barak, Mahdi, Kalmati, Pagibat, donc on remercie le Cheikh.